sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue. Aujourd'hui, l'émission Trihan Hayes à Triugen. C'est voilà. Ça, Henri? Trihan Hayes à Triugen, oui. 368. Voilà, tous ensemble. Alors, quel mot tu nous proposes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, un mot court, P. P qui veut dire ou sans accent. Donc, pratique comme mot. Ouais. Ou bien, quoi, hein. Voilà. Et donc, alors, c'est un mot celtique, hein. C'est une conjonction de coordination. On a appris ça quand on était à l'école. Hein. On se rafraîchit la mémoire, ouais. Un peu. En français, c'est ou sans accent, hein. Mais voilà. D'ailleurs, on récitait « Mais où donc ?» et « Ornicaire » pour s'en souvenir. Et voilà, et donc, c'est là, en breton, c'est d'origine celtique. Et en cornique et en gallois, on va trouver exactement le même mot. Alors, c'est bien sûr, c'est très, très employé en breton. Hein, chaque fois qu'il y a un choix, en fait, hein, deux possibilités. Par exemple, on va dire « Guir pegou », vrai ou faux, hein. Voilà. Guinpecafé. Hein, Guinpecafé, hein. Voilà, un choix, hein. Ou alors, un hippe et un haas, hein. Un chien ou un chat. Voilà. Et donc, alors il y a une particularité, c'est que quand il est employé, sans article, il entraîne en principe une mutation adoucissante du deuxième terme. Par exemple, on va dire, mot de pévote, hein. Mot de pévote, mot c'est la façon de faire, hein. Donc mot de pévote d'une façon ou d'une autre. Donc mot de pévote. Par exemple, un autre exemple avec la mutation, pot de péblard, garçon ou fille. Hein. Pot de péblard, oblige fédard, hein, tu préférais un garçon ou une fille. Hein, on demande souvent ça aux futurs parents. Voilà. Alors évidemment, si on met l'article, hein, tout ça disparaît, on aura hors pot et hors plat, un garçon ou une fille. Mais en breton, on aime bien, hein, ces formes courtes un petit peu qui tapent un peu plus. Hein. Pot de péblard. Alors bon, on fait pas tout le temps la mutation. Hein. C'est une mutation qu'on n'entend pas toujours. Hein. Par exemple, on va dire hors plat pézou ou hors plat plédou. Hein. Voilà. Les deux se disent, quoi. Ouais. Il y a des mutations, en particulier la mutation des Z, hein, elle a tendance à disparaître, donc ici on dirait plutôt orblap et do. Hein. Par contre, on va dire tempedam, hein. Tempedam, hein, pour dire plus ou moins, hein. Tempedam, voilà. Trapédra, quelque chose ou quelque chose d'autre, hein. On dira aussi mat péval, hein, bon ou mauvais, voilà. Tropédro aussi, hein, tropédro à l'occasion de, hein, à l'occasion, hein, tropédro. Tupédu, quelque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors tu, c'est un endroit, un tu, un endroit. Hein, voilà, on a déjà traité ce mot-là, hein, il y a pas mal de temps. Tupédu, un endroit ou un autre, quelque part, quoi, pour. Un endroit qui est pas très bien défini. Tu pédu, vocavage. C'est plein d'expressions très pratiques, en fait. Ouais. Mot de pévote, tu pédu, trop pédro. Voilà. Autrement, on peut être tout seul, on peut dire pédoste. Hein. Pédoste, ça veut dire à peu près. Hein. Quand on donne un chiffre, puis on va dire pédoste, hein, ou à peu près, ou proche de ça, quoi. Voilà. Et alors, il y avait aussi une expression dont je me demandais ce que ça voulait dire quand j'étais gamin. C'était « devonde pédezonde », c'est-à-dire pour partir ou pour revenir. Par exemple, une piqûre, quelqu'un qui était malade, on lui faisait une piqûre « devonde pédezonde », pour partir ou pour revenir. C'est-à-dire soit ça va le tuer, soit ça va le guérir. Quoi. C'est assez effrayant. Hein. Un petit peu. Voilà. « devonde pédezonde hein. ». Alors parfois on redouble aussi, hein, pour accentuer. Par exemple, on va dire pays pays, hein, ou lui ou elle. Hein. Attends, c'est pas vrai. Pays pays. Ah non, pays pays, c'est une autre histoire. C'est quand j'étais gamin, il y avait une dame dans l'immeuble où j'habitais au-dessus qui avait un chien et quand il y avait des Bretons chez nous, ils demandaient pays, pays, est-ce que c'est elle ou c'est le chien qui faisait du bruit, quoi. Hein. Ça, c'est, là, c'est un jeu de mots carrément, quoi. Alors, il y a aussi une forme plus longue qui est un hybride assez étonnant entre le mot ou bien en breton, pé, et autrement en français. Et ça a donné pétramon. Ah oui. Et ça, c'est assez curieux. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train d'étudier un vieux cantique, le vieux cantique du Guillaudet, pas ceux qu'on chante aujourd'hui, qui sont plus récents, mais le vieux cantique qui est de 1841. Et j'ai trouvé alors dans ce cantique Pétramon, alors c'était écrit P apostrophe et Aotramon, donc ou autrement quoi. Et en fait Pétramon, c'est l'hybride hein, entre le P breton et autrement en français quoi, qui a donné Aotramon hein, en breton quoi. Pétramon. Alors c'est très employé dans les chansons. Hein. On trouve très souvent ça, Pétramon. Hein. Je sais pas si tu en as. Si, il y a Marie-Louise. Oui. Et d'ailleurs, on trouve dans cette chanson-là Pétramon et Beautramon aussi. Oui. C'est Alors, oui, Pétramon. Hein. Voilà. Qui est une façon de le dire plus longuement, en fait. Hein. C'est prolongé, on insiste plus. Et puis, ça permet, si on a besoin de plusieurs pieds, Voilà. de les mettre aussi dans les chansons. On a souvent besoin, quoi. On disait ça aussi, par exemple, quand il y avait une conséquence possible, par exemple, hein, dit Walvan d'Oberzé, Pétramon vit de Castille. Hein, fais bien attention de ne pas faire ça, sinon tu seras puni, quoi. Dans le sens de sinon, voilà. Et dans les recommandations ou dans les menaces carrément, on a souvent ce Pétramon-là. Hein. Et très souvent aussi, on le trouve dans les chansons, quoi. Eh ben, Redo et Chui, Petramon, vous rire un trop. Merci Henri. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Oui, alors aujourd'hui, on va repartir un petit peu sur un regard sur Zantol, qu'on fait ça de temps en temps, et c'est Morgane qui va faire cette présentation. Urzel war Zantolek. Zantolek a zo ar barous de Skreisbreiz. War dro triran a dud a zo chom ba Zantolek. Babarou Zantolek, a zo ar bourg, a dek gerianen. War en kalak emant kermarkal, keruel, a kerizel. Ba kerizel a zo ar chapel gouan, chapel zantern. Ba kermarkal a zo ar vilin, hag ur stank. War en zan Nicolas emant kermark, kerplouz, a kermene. War en rostren emant kervern, a rosker, kerneve, a kerblei. En tual dar blavez emant parouz plou derrien. Ba bourg Zantolek eve kavet un tiker, un iliz, ur skol, ar renverziaou, a gostelleri fanchpenn kouat. Pa kreiz ar bourg, emant plas en ar bourg, vel just. Job ne delek, a zo bet me skol pat pel, bremañ, emant war i leve, met kalz a dra o ara. Hein, e prezident kevre digez bleunioù Zantolek, a gille prezident ar skipa imel droat, mai ne delek e ivrek. Noblen talek a ronan an du ar a skol bremañ ba Zantolek. Jean Loubris e ar Marshall. Dresant ara ie ar veloioù, hag an otoioù ar vechou. Soaz e ivrek. Lou kermene e ar baraer. Ivrek, mai kermene, a zoet da verez, pem blaso. Pierre ma gicher e oa mer eurok. Ma kar markal eman o chom gant ivrek, Rosa. Henri Gilcher, ma ma mer kous, a zo laboureur douar, ba kar markal. Iwa an din, e ar higer. Hélène e ivrek. André Gac, de Skervern, e président d'ar voulistet, kevredigez boulouz an tolk. Lou Guyader de Skerneve, e président club Arregos, plijadur a quarante. Iwan an du, ar person. Fanch penkwat, e po dan ostaleri, a zon ur tronjon golie. Kalz a dut oz roaz o chom baz an tolk. Ma peus roan dan aoudne, si laouet bemzun, ent ar brezonek. Alors Henri, on reprend ? Oui, d'accord. La présentation de Zantolek, parce que ça fait du bien des fois de représenter. Oui, puis il y a des gens qui commencent à écouter, alors tout le temps, il y a de nouveaux qui arrivent. Et puis maintenant qu'on sait où c'est, puisqu'on a vu à la télé dans le film de Sébastien Thilloux, exactement l'endroit où est Zantolek. Oui, on a vu l'endroit, oui. Oui. Alors, Urzel war Zantolek. Voilà, un regard sur Zantolek. Zantolek a zo ar barous de Skreisbreiz. Voilà, c'est une commune du centre-Bretagne. War dro triran a dud a zo chom ba Zantolek. Donc il y a environ 300 personnes qui habitent à Zantolek. Ba barous Zantolek a zo ar bourg a dek gerriaden. Oui, donc dans la commune de Zantolek, il y a le bourg et 10 villages. Des villages au sens ici, hein, parce qu'ailleurs on appelle ça des hameaux. Mais ici c'est des villages. Ba barous Zantolek. War en kalak emant kermarkal kerruel a kerizel. Voilà, donc sur les villages de la route de Kalak. Bah, Kerizel, azor chapelle Gouan, chapelle Zanterne. Voilà, donc à Kerizel, il y a une belle chapelle, la chapelle de Saint-Ernin, où on va régulièrement. Bah, Kermarkal, azor Vilin à Gerstank. Donc à Kermarkal, il y a un moulin et un étang, ça va ensemble aussi. War en Saint-Nicolas, emant Kermark, Kerplouz à Kermene. Voilà, les villages sur la route de Saint-Nicolas, du Pelem. Ouais. War en Rostran emant Kervern, à Rosker, Kerneve, à Kerblei. Voilà, une route aussi pour aller à Rostran. Vous voyez, c'est le centre du Kreisbreiz. Mais voilà. En tual dar Blavez emant Parouz Plouderien. Voilà, de l'autre côté du Blavez, il y a la commune de Plouderien. Qui est moins belle. Hein ? Oh non, c'est pas mal aussi, mais il y a bon. Une bonne équipe de foot, par contre. Il y a une bonne équipe de foot. Oui. Ma bourg Zantolek eve kavet un tiker, un ilis, un skol, a renverzio, a gostaleri fanchpenkwat. Voilà, tout ce qu'on trouve, hein, l'église, la mairie, et puis le bistrot aussi, quoi. Et les commerces. Ba kreiz ar bourg, emant place en ar bourg. Voilà, donc au centre du bourg, il y a la place du bourg, bien sûr. Job ne delek a zo bet me skol. Pas de pelle. Oui, alors Job ne delek, c'est l'ancien instituteur, hein, et qui fait beaucoup de choses. Voilà. Vraiment, aimant war il levé, mais calz a dra war. Voilà, maintenant il est en retraite, mais il fait beaucoup de choses. Ouais. Et président de Kevridigez Bleunioù Zantolek, a givé président ar skipa imel droat. Donc il est président de l'association Bleunioù Zantolek, qui est association culturelle et d'animation, et aussi il est président de l'équipe de football. Voilà. Maïne Delek et Ivrek. Et voilà, et sa femme, qui était aussi institutrice, c'est Maïne Delek. Voilà. Nolwenn Talek a ronan an du ar a skol bremañ ou bazantol. Alors les instituteurs actuels, c'est Nolwenn Talek et Ronan Ledu. Jean-Louis Brise et un marshal. Alors Jean-Louis Brise, c'est le maréchal Ferrand. Tressant ara, yé, ar veloyo, ar gotoyo, ar vechou. Oui, alors il répare aussi les vélos et puis parfois les voitures, hein, quand il n'y a pas trop d'électronique embarquée. Il n'aime pas ça. Voilà. Soise et Ivrek. Soise, c'est sa femme. Louis Kermene et Arbara R. Alors, Louis Kermene, c'est le boulanger. Voilà. Ivrek, Mike Kermene, à Zoé de VRS, Pemplasso. Voilà, donc sa femme, hein, Mike Kermene, est allée mère, hein, si on dit Zoé de VRS, hein, en breton, on dit ça comme ça, donc est allée mère il y a 5 ans maintenant. C'est pas sûr qu'elle se représente, si. Ah ben, on sait pas encore. Parce que ça approche, les élections. Ça approche, hein, 2014, oui. On n'en parle pas encore. Non. Pierre Maguicher et Armand. Voilà. Pierre Maguicher et Armand Roc. Et voilà. Ouamer Roc. Ouais, ouais, Pierre Maguicher, c'est l'ancien maire. Mercos, comme on dit en breton. Bakar Markal et Manchaume Ganivrek Rosa. Donc il habite à Carmacal avec sa femme Rosa. Henri Guilcher, Maba Mercos, Azol Laboureur Douar, Bakar Markal. Ouais, alors donc son fils, hein, a repris l'exploitation, en fait, à Carmacal. Iwan Dinf et Achiger. Alors, Hélène et Ivrek. Voilà, lui c'est le boucher. Hein, il y a tout à Zanto, donc c'est formidable. Voilà. Et Hélène, c'est sa femme. Hélène, c'est sa femme, oui. André Gac de Skerverne est président d'Arvoulistet, qui est Rédigues Boulou Zanto. Oui, alors lui, il est président des Boulistes. Hein. Arvoulistet dans breton, parce qu'il y a une mutation, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas par où. Donc on dit Arvoulistet. Donc lui, on l'entend de temps en temps, il vient parler des concours de boules et des choses comme ça. Voilà. On l'entend pas souvent. Pas souvent. Non, c'est pas un bavard. Louis Guyader de Skernévé est président de Cleur à Barégos, Plijadur à 40. Lui, c'est le président des anciens. Plijadur à 40, c'est un joli nom. Ah oui. Voilà. Iwan Andu, Arperson. Iwan Andu, c'est le recteur, hein, depuis 30 ans. Fanch Penquat. Oh, celui-là restera là. Voilà. Et Pau dans Nostaleri, à Zoner Tranjongoli. Alors, Fanch Penquat, c'est un autre personnage, c'est le gars du bistrot, et qui est sonneur de clarinette aussi. Ça va bien ensemble. Voilà. Calzadud, à Zocroas, au Chom, à Zantol. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui habitent à Zantol. Ils sont 300 alors. Voilà. On peut se rendre dans Naouné, Chilaouet Bebzun. Voilà, alors si vous voulez les connaître, écoutez chaque semaine Hénor Brezondek. Et ben voilà, on termine là-dessus et on passe à Petra Zone et Vervo. Troisième partie d'émission, Petra Zone Vervo, Eri. Petra Zone Vervo, calze draw et vel juste, boer vej di ouzan. Krogom de dianton vel custum grand la bourdouar, agarvu et war armez. Babla de zone de vil trisek, ne vaut que de votadegou vid tout d'un dut, mais vid de labourer yon douar, vaut votadegou. Votagedegou et vid kamchou la bourdouar, galak chambre d'agriculture. Ag bebrouer la vegretze, hein, a vota degou et vide casse tut de gamp, tut dilenet, hein, gant ne labourer yon douar. Ag ne ke war gant ne labourer yon douar, mais gant tudel, hein, pu dur zo degrumad au votant, hein, de collège el velard in galak. Hein. Ag vota degou ze vogret ba misjen ver dog viltrizek a drelizor. Neiz eus eus oere o vo gwaret gant piouet d'ar maout hag piouet de kamm eo labour douar. ou à l'air zéro d'ilène de tout vie monde, bah, comme chou, rendre vous, hein, je vais l'art de chambre régionale, à ou à l'air vos d'ilène de tout roise vie monde de gambe, vie de broha le bise, hein, avec guette de zé, APCA. À gazer vos chances de, leur président du roi, et Guy Vasseur, vraiment roise. Bonne. Heur mar et mon vegret calze brudéreuse et ve juste, et vin michère ou alors bon douar. Puis dur ve classe que tu de la bourre à doar un dachemze ou un dro de l'or bon douar, a gené que des quand vous tu de la bourre à doar armèse. A classe au ivé de gâte tu dio en guenon stallion, ou à refaire mieux. Braise grand père département, de pélar in mode, n'est que braise bis, zo d'oeugen mille formes, d'une dé, ag tost nante revoli ben déglame, a red cartu des villes juste des vides hatapune, ag azine, comme l'arbre douar, herpet gand un effenesseur, ag gand l'arbre rien douar yawan, ne sgred brudéres vidze, ne sgred ors une vide un truscas, hein, zewa galag la semaine de la transmission. Bon, ag zizo, comme je casse de spé sa mode ve febe moyen de gâte tu diowang de dapo fermio. Dans mon temps vraiment war d'achen un endro. Bé plat vraiment boive ou abé de un em vaut de bras ba rio asé. Ve gred un em vaut de bras war arbit un dro de rske l'amzan. Pes ve l'art de lima galag. Hein. Ag blanc me wa et bé gred zé ba doa, hein, zézo ba bro katar. Comme je vais casse de hatar, hein, mar et mon. Ag dohan bros au bit beau de dar, vite comme de zeur skull amzor. Bon bit abré, manger ne gervis que de casse drau. Jiwas met bon, mon oreille matrezen orvich penek en tro warok. Bene blanc, me zang, matrezen vos grettes ba paris. Apeve comme ze de ze skull amzor jusmad ou abescrive de ba blado vilpère, lever gan, le roi la durie, asé, an eus vid de komz de ze histoire ske lamzer, histoire du climat. Hag ar eus ve gwell d'un temps pe sa mod oa bet ske lamzer l'ar an daouvil lasso. Avec avet blavezio a vi je tom tre, a blavezio a vi je yin tre, da square au million de dut oa bet l'ar de gane yinder, hein, ba blavez mil rwer kantrizeg a per ugen, hein. 1693, Galaga. A wabé, l'art de wardro au million de dut, gonne yinichen. Ag, babla, 1650, nantek, wabé, l'art de pemkant mil, gonne un dom d'or. Voilà, rezobit, dermod, hein, trop source. Bon, mais vraiment, me strasse au cul des nous, gonne orske l'amser, plus dur, zo, ré, eisen, ou, vel, CO2, vel art de, nézen carbonek, azira velon tigwer un drone urbit, asetu tom-tom-atom, hein, dom-tom-atom, erske lamzan. Bon, gwell vo pe sa mod vo kon. Bon, wardach en or politike, rezar ne larink kalzedra ur vejman, ne gomzin ketar de ze jej bletre et notre fillon ag notre copé, na de stroyo ker DSK, zezo evidon mi, zezo politikach ou roariou et vide jacobine d'ag vide breizan menus que calze dra de rotas de student trouse. C'est tu pérègne de gomzin ketar de spes veklet ba media yo bras. Wardash en économie est vraiment, comme ze vekals ar mar et mondes min grain breiz. Un peu dur, min grain breiz, bon, min gleuse yuzo, mais j'y was de scalze blas ou vedias en min grain. Je peux mais moi comme de la bourie ou vider tram à Brest ou dia c'est de main grande de brochina bon à un temps me pebler ve dia c'est trop de main grande de Espagne puis de Portugal avec d'im plus de main grande zo bavro même sera me sclave l'art d'un vaisseau ba gwengam un dro de tigar vos grain de la bourie à vos une plus de main grande de vro Azizo un dravat. Vejenant zeur blichtin comme star de stud evro. Un DL ou abit de inor bakalak Daniel Bercot, vi de l'arbre en eusgret, en up d'or linve de mucoviscidose. Dreistol gand un redadeg, zo handve de PLB, hein, pe Pierre Le Bigot m'a besoin. Hag handve de bed marag astrol ad inor. de l'Aradé, Galak Vlour, chevalier de la Légion d'honneur. Hag a zezon dravad, vitan. War an da chenel, or plar a zo hanav en mod bar rostren, a tro war dro, an eus bet ur medal an erhan en duristeles, honze mai madan en ur baker, hag an eus labour e kaz war glad e vro, a skrivel o bern tro, ben or gelo en eo a meniatut. Bon, komzo montan bremañ deus zevena du revro. Vejen amzor e gont an dar deus e galowek, yez bro uel, breiz uel pe larin mat, galek vel ar ze galo, hag nevesoz o bedin bande de o lever skrivet gant Michel a Claude Bourrel, hag eus o haunet le galo denaché. Da la rede, ar galowek dinasket vef e belar da moezonek, hag arvekav kalz o draou fentuz a kunugien ou a galowek, a traou fentuz en dro d'or galowek. Hag a zezo war a lever zezo tresaden ou zo gret gant nono, a zo hanav en mat. O lever el zo bet im band en eus ket gwall bel zo, gant penadou vije skrivet gant Job Jaffré, baz bar ur gazet en La Liberté du Morbihan, hag penadou zo vije lard e trezon me brezonek, hag plijustre e len Job Jaffré fentuze a skrivet le brezonek mat tre, gant an tamm pouez gwenedek, hag zo brad e len. Bon, un draze zo im bandet gant emgleve Norian. Aliz gant an dar deus tro koz an tamm vel bue ar zen, hag amme man bet hiz viz kwaz de skriv an tro war ze, hag an den yaouang ar, an war ket hag e yaouang bet, meus ket bekleve komz deus an rog, hag an se lak an nan yaouang. Vulub Guillou en eus krog de skriv o trog war bu e ar zen dis, hag evit ar vestien, lever tien tan e bu ez an genole. Bon, zezo bet imbanet gant un imbanadur yo dialog. On den a zo an arven mad, ive e Hervé Losek, neus bet skriven de lever yo di war ben un troio lavar galak hag eus o levezon eus gant ar brezhonek, bretonizm vel vela, hag bremañ eus imbanet o lever el oaz, a zo hanved madou e biniget. Hag vel war a lever le galo denaché zo skeden ou gret gant nono. Bon, hendel, evi kloz am me dam kont, am han de gomt l'artar, zo oart peus klevet l'art de oaed ur fez noz ba glad ur bet, gant en UNESCO, hag bon zezon dravad, vid de reine stourmet vise, a de dient an tout d'astum, met de se vo c'hat komz ed ur vegel, ka ou bientraouz de la war zi, a setu hant de chu evi hudu.